Retro Nouveau. Bonjour, bienvenue à ce 8e épisode de Rétro Nouveau. Et oui, we're back. Le grand retour. Ouais, c'est ça, ça a été un peu compliqué. Puis le 7e épisode l'a expliqué quand même un peu. Je suis nouvellement papa. C'est vraiment là, je veux dire, j'attendais que ma blonde accouche. Je savais pas quelle journée ça serait exactement. Ouais. Puis là, c'est très drôle. C'était vraiment dû pour être pendant un rétro nouveau, parce que vendredi, on a annulé, puis là, c'est ça. Bang, c'est arrivé pendant l'intro. Hey, c'est mon gars, là, c'est arrivé, puis il y a du monde même, il y a quelqu'un qui m'a demandé si ça avait été stagé, tu sais. Ah ouais? Puis en passant, c'est vraiment pas stagé. Non, là, c'est pour de vrai. C'est pour vrai, là. Quand c'est arrivé, là, ma blonde m'a appelé. Ben, on l'entend bien. On l'entend bien, genre, j'ai gravé mes os, capote, tu sais. Mais ouais, c'est totalement vrai. Puis je suis parti après ça, je me suis pogné un taxi jusqu'ici, ça m'a coûté 40$. Puis je courais ouais. comme un mongol. Puis je suis arrivé chez nous, puis finalement, tu sais, on n'avait pas besoin de rusher tant que ça, parce que quand tu crèves tes os, t'as du temps. Ouais. Tout. Ben, bref, ça, 40$ bien investi quand même. C'est très si bien. Si il y avait quelque chose, tu sais, c'est pas le temps de niaiser. Ouais, avec ça, c'est ça, exactement. Puis juste pour vous dire que mon enfant est bel et bien né. C'est mon petit garçon, c'est mon deuxième. Donc, c'est ça. Deuxième enfant. T'as une petite fille exact. Et un garçon. Ouais. C'est ça, j'ai une petite fille et un garçon. Puis c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de rétro nouveau, puis ça a été un petit peu long avant qu'il y en aille. Mais. Donc, comment ça va se passer dans ta. Dans tes avec Rétro Nouveau, Monsieur Net? Ouais, c'est ça. C'est que Monsieur Net, l'affaire, c'est que. Comme c'est mon travail à Musique Plus, je suis à Musique Plus en tant que graphiste, je suis à Musique Plus aussi en tant que chroniqueur. Je peux pas faire Monsieur Net pendant que je suis dans mon congé de paternité. Ça va à l'encontre l'un de l'autre finalement quand tu reçois des prestations. Bref, si je le faisais, ben premièrement, ça serait très compliqué pour moi à cause de faire les images puis tout ça. C'est quand même assez compliqué, puis je veux vraiment donner mon 100% dans l'équipe. Puis en plus de ça, bon, si je le fais, l'argent que je gagne avec ça, il faut tout que je le déclare. Bref, il y a un côté aussi légal à tout ça qui fonctionne plus ou moins. Donc, j'ai décidé de pas le faire pendant 5 semaines. Puis en même temps, ben. Ta blonde devrait être contente quand c'est même. C'est ça, tu sais. Qu'elle pire soit à la maison un c'est peu. C'est ça, tu sais. J'ai besoin d'être à la maison ben quand oui. même, là. C'est avec un gros changement, ça, là, dans une vie, là. Non, non, c'est énorme. C'est, les jeux vidéo, c'est important, mais la famille. La famille, il faut être là quand même. C'est ça. Faut vraiment être là. Puis. Là, même, on fait Rétro Nouveau chez nous. On est nouvelle formule, jeudi soir, au lieu d'être de faire un sprint sur l'heure du midi chez moi, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé en défoncé jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Ouais. Fait que nous voici. On est, ça nous donne un peu plus de temps quand même. Ça nous donne plus de temps. On a plus, des bières. En ouais, plus. Ça fait que peut-être que l'épisode va être un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, là. Totalement. Fait que c'est plus lousse. Puis c'est ça, bref, en passant. Je sais qu'on revient avec ça à tous les épisodes, mais c'est parce que on y tient vraiment à ce que chaque personne le sache. On est super content du support que vous nous donnez parce que Rétro Nouveau, ça a l'air de rien, mais on a commencé, c'était rien Rétro Nouveau, c'était vraiment une petite idée. Puis sur iTunes, on est tout le temps dans le top 10, dans le top 15. Des fois, on est premier, deuxième, troisième. Donc, visiblement, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. On est super contents, vraiment. C'est vraiment, c'est vraiment génial. Là. Ah, oui. Sur Twitter, sur Facebook, le monde nous répond, le monde sont présents. Nous, écoute, on adore ça. Ah, oui. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Oui. Ça a tombé sur la glace pendant longtemps. On a changé d'idée, on a changé la formule. Oui, non, oui, non. C'est ça. Fait que finalement, nous voilà. Puis, écoute, pour moi, c'est quand même nouveau de faire des critiques, puis de parler aux gens, d'avoir un auditoire là, quand même. Tu sais, je passe pas à la TV ni rien. Ça fait que je trouve ça bien agréable. Même c'est vraiment le fun. C'est quand même une charge de travail. Oui, c'est quand même une charge de travail. Parce que les critiques qu'on fait, en tout cas, moi, tu sais, je vais pas sur YouTube checker le jeu, puis ça, tu sais, je joue, là, je prends le temps de jouer. Je parle de jeu d'Atari, je m'assois dans mon antre avec ma manette d'Atari ou de Genesis branchée dans mon Atari, puis je joue, tu sais, pendant des jours, pis tout ça, au travers d'Atari. Mais toi aussi, il y a une affaire, justement, j'ai réussi à le découvrir en tant que critique avec le temps, je me rends compte que ce que j'aime, un côté de toi que j'aime, c'est que t'es un collectionneur, tu tripes sur le rétro, puis par défaut, t'es comme historien un peu. Ouais, dans un jeu sens. Vidéo dans un sens, puis ta façon d'approcher ça aussi, t'as beaucoup d'historique, t'as beaucoup d'historique derrière les personnages, donc c'est vraiment cool, je pense que le monde apprécie énormément. Ouais, ben je me suis rendu compte avec le temps que par défaut, quand je vais sur Internet, avant que je pense à faire, avant que j'aie un blog, avant tout ça, moi, quand j'allais perdre du temps sur Internet, mettons, j'allais voir un vieux jeu X, là, Rygar sur le NES, là, je clique là-dessus, je vais sur Wiki, ah ouais, c'est fait par tel gars, clique sur tel gars, se ramasse à une autre place, oh, c'est ce gars-là fait ça, tu sais. C'est le même que j'aimais perdre mon temps sur Internet, donc maintenant, ben, je suis content de vous en faire profiter du temps que je perds. Ben, c'est merveilleux, puis on adore faire ça. Puis moi, c'est ça par rapport à Monsieur Net. Ce qui est le fun, c'est que Monsieur Net, tu sais, je peux pas parler de tout, évidemment. Puis il y a des jeux qui sont critiqués par d'autres gars. Puis moi, des fois, je suis comme, oh, tabarnouche, je rigole pas. Mais c'est ça, c'est parce qu'on veut jouer à tout. On est tous pareils dans l'équipe. Puis quand t'es gamer, tu joues à tous les jeux, tu veux tous les faire. Mais là, c'est ça qui est le fun avec Rétro Nouveau, c'est que ça me donne la chance de parler des jeux. Là, je peux pas parler à Monsieur Net ou des jeux tout simplement qu'on n'a juste pas le temps d'en parler. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, d'en parler plus longtemps aussi. Oui. Ça, c'est, on peut prendre notre temps pour. T'sais, à TV, c'est quand même pas long une critique, quoi. C'est 3 minutes. 3 minutes. Critique. Ah, ça va vite. C'est 3 minutes avec intervention. Donc, avec intervention, ouais. Des fois, c'est ça aussi. Quand... Puis c'est du live aussi. Hein. Ouais. C'est fait en direct. Donc, c'est sûr et certain que quand vous regardez Monsieur Net, vous ne retrouverez pas le même genre de critique que vous allez retrouver, mettons, à G4, Reviews on the Run, des affaires comme ça, parce que eux autres, tout est en montage, coupé, ils ont des scripteurs, tu sais, il y a beaucoup de monde derrière une critique, tandis que là, Monsieur Net, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez, puis moi, c'est ce que je trouve génial de ce show-là, parce que c'est ce qu'on est, c'est directement ce qu'on livre, puis ça marche. Puis c'est un peu ce que j'aime aussi avec Rétro Nouveau, parce que on fait pas de montage à Rétro Nouveau. Non. On le fait, là, c'est... Ben, on coupe pour one faire take. Une transition. Ouais, one take, absolument. Mais c'est une shot, là, puis je veux dire, ça nous est arrivé même de se tromper, de se mélanger, d'avoir des bugs techniques qu'on a peut-être coupé là, parce qu'il y avait de quoi qui fonctionnait pas, comme là, justement, on peut se demander si ça marche pas, puis on va couper, puis on va ramener ça, mais bref, c'est tout le temps une shot. Fait que, en tout cas... Trêve de bavardage. puis on va commencer ça avec... Ben, moi, je voulais juste... Ah oui, c'est vrai. Je vais continuer un petit peu l'introduction vite fait. Toutes ces histoires de bébés, là, sur le podcast puis tout. J'ai écouté des podcasts dernièrement, puis j'ai entendu que Joël Martel, le fun de jouer jeu, va avoir un enfant, lui aussi. Là. Donc, félicitations, Joël. Je me demande s'il l'a fait avec le poulet dans son clip, tu sais, parce que Joël, c'est un gars louche. Ouais, il est louche. Il est louche pas mal. Puis c'est ça, on se demande s'il a fait son enfant avec un poulet. Si t'as fait ça avec un poulet, Joël, s'il te plaît, envoie-nous une photo. Ouais. Puis c'est ça, il se passe tellement d'affaires sur les podcasts. Je me rends compte que le monde en parle de leur vie vraiment. Là, j'ai appris aussi la mort de la mère de Dark Sim. Moi aussi, j'ai appris ça. C'était quand même assez triste. Dark Sim, la mort de sa mère, il avait perdu sa job. Ben c'est vraiment, mon Dieu. C'était pas cool, tu sais, de tout savoir ça. C'était sur Twitter, puis tu t'apprends ça. Regarde. Ben, pauvre gars, là, ça a tombé dessus tout d'une traite. Ah non, c'est rough. Mais au moins, tu sais, ce qu'il y a de bon avec ces podcasts-là, on s'exprime à travers ça, puis je pense que ça peut faire du bien. Puis il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Jean-François Chabot qui a communiqué avec moi, en fait, par Facebook ou Twitter, quand on parlait de faire un spécial. Il a dit, c'est lui qui nous a proposé de faire un spécial. C'est vrai, je m'en souviens. Donc, OK, fine, pourquoi pas, tu sais. Puis là, il m'a envoyé un lien Facebook sur un album photo à lui de Facebook qui s'appelle Megaman 2.5. Puis ça, c'est... Tu te rappelles les concours dans le Nintendo Power de créer le des design, boss, là, ouais, le design de Mega Man? Bon, lui, il est parti là, sur une dérape avec un de ses amis pendant un été de temps, qu'il m'a dit, qu'il m'a écrit. Et puis, ils ont fait là, un travail, là, excusez-moi, colossal. Là. Et vraiment, ils ont dessiné plein de boss, ils ont dessiné les stages, ils ont dessiné des coupes de robots pour voir l'intérieur. Okay. toutes les armes, ils ont inventé genre des multimans là, qui sont comme un amalgame de toutes les boss ensemble. Puis ça se passait tout entre Mega Man 2 puis Mega Man 3. Ils voulaient tout envoyer leur shit là, comme à Capcom, finalement. Mais Mega Man 3 est sorti entre-temps. Les gars, ils ont tellement travaillé fort qu'ils n'ont pas eu le temps d'envoyer tout ça. Mais eux, ils avaient déjà pensé à Magnet Man de leur bord. Puis quand Mega Man 3 est sorti, paf, Magnet Man était dedans, tu sais. Fait que là, ils ont vraiment... C'est vraiment drôle. Là. Mais en tout cas, je voulais en parler parce que, d'un, bravo, là, deux petits gars de 13 ans qui font ça. Puis son ami, lui, avec qui il a fait ça, c'est Jonathan Jeté. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Le nom dit quelque chose. C'est un gars qui est disparu dans les Rocheuses canadiennes il y a à peu près un an. Je pense qu'ils ont relancé des recherches dernièrement, puis ils n'ont sûrement pas été fructueuses parce que je n'ai pas entendu parler qu'on l'avait retrouvé. Donc, c'était pour dire, écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous. J'ai trouvé ça vraiment un beau projet. Puis, désolé pour ton ami, il n'y a pas de mots pour ça, mais je suis quand même content de voir que les gens, ça rapproche les gens des podcasts, des émissions, puis des affaires de jeux vidéo, puis les gens, ils se touchent ensemble là-dedans. Ils se touchent ensemble. C'est bien touchant, tout ça, en fait. Totalement. Mm. Puis c'est le fun aussi parce qu'on en a déjà parlé, mais vraiment une certaine unité au travers des podcasts. Puis ça, c'est le fun. C'est comme une grosse confrérie. Là. C'est comme si on faisait toute partie de la même gang sans travailler ensemble. Moi, j'adore ça. Puis j'écoutais les fun jouer jeu justement cette semaine. Les gars, ils boivent de la bière dans le garage. Il y a la commission des Geekers aussi qui vient de repartir. Puis ils boivent de la bière, ils déconnent. Puis ils sont contents, ces gars-là. Puis j'aurais dans le goût qu'on se réunisse toute la gang de podcasters ensemble. Il y en a qui sont loin, mais pourquoi pas faire un get-together? On se loue une salle, on met du vieux stock, du nouveau stock. Ouais. Toute une journée, toute une nuit, genre tout le monde ensemble. On vire la brosse, on a du fun. Hey, ça serait fou. L'appel est lancé. Organisons un événement annuel. Ouais. Les podcasters de jeux vidéo du Québec. Voilà notre titre. Ouais. Puis, écoute, ça serait juste trop génial. Toute la gang. On se loue une salle, puis à travers tout le monde qui font ça, je veux dire, il y a des gars de technique, il y a des gars... Il y a tellement de monde. C'est clair qu'on a toutes les ressources pour facilement organiser un événement. En tout cas, ça serait bien génial. Moi, pendant que j'étais surchargé de travail, je pensais rien qu'à ça, faire le party avec vous autres. Ça me ferait bien plaisir. Certain. Yes. Donc, on enchaîne avec le premier jeu d'aujourd'hui, Bruno. C'est El Shaddai. Ça se peut-tu, ça, que personne n'en ait parlé dernièrement? Parce que moi, je sais, à part toi, j'ai même pas vu ça passer. Il y a du monde. Je sais que je n'ai parlé un peu sur Twitter avec Dark Team. Parce que c'est ça, El Shaddai, il y a beaucoup de monde qui ont regardé ça. Ils ont regardé le trailer, puis ils ont fait comme... Parce que... Au départ, ce que c'est El Shaddai Ascension of the Metatron, OK? Puis, El Shaddai, c'est un des noms, je ne sais pas si je le prononce bien, judaïque, de Dieu. Okay. Donc, c'est un jeu à propos de d'anciens écrits bibliques. C'est un Christian game. C'est comme un Christian game, mais c'est pas totalement un Christian game. C'est inspiré de ça. Puis, quand on commence le jeu, c'est vraiment écrit qu'il y a des personnes de toutes sortes de croyances, de toutes sortes d'ethnies qui ont travaillé sur ce jeu-là. Donc, ça présente pas vraiment une préférence envers quelque religion que ce soit. C'est juste que c'est inspiré de la religion. De quelle façon la religion se traduit là-dedans? C'est ça, c'est que... premièrement, c'est des... Tous les personnages qui se retrouvent là-dedans, c'est des personnages qui se retrouvaient dans ces anciens écrits-là que je ne connais pas. J'ai aucune idée. C'est pas la Bible, mais c'est vraiment là des très très anciens écrits. Puis c'est des histoires justement de trahison, des anges déchus. Et on parle évidemment du paradis, de l'enfer, mais là-dedans, ça va plus être le paradis. Notre personnage, c'est Enoch. Puis Enoch, c'est un ange qui va se faire engager si on pourrait dire. Il va se faire envoyer en mission pour ramener des anges déchus. puis écoutez l'histoire, puis quand je vous parle de l'histoire, vous allez dire je veux jamais jouer à ce jeu-là. Non, je trouve ça intéressant, moi, quand même. Oui, sauf que faut pas s'arrêter à l'histoire, parce que l'histoire, moi, même moi, quand je joue, je fais comme OK. Il faut que tu ailles chercher les anges déchus, parce que pourquoi c'est les anges déchus qui sont partis du paradis pour aller sur Terre? C'est à cause qu'ils ont découvert l'amour et les humains. Ah. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir sur la Terre et de lâcher le paradis. Tu sais ça, que c'est pareil comme le cinquième livre, Menlock, le démon de Anne Rice. Eh hey boy! Je sais pas si tu as lu la planche, toutes les livres, les chroniques des vampires d'Anne Rice. C'est excellent, c'est d'ailleurs, tout le monde, je vous recommande ça fortement, mais en tout cas, le cinquième tome, sans vouloir tout vendre, ça parle de ça. Donc, ça me fait vraiment penser à ça. Hey, c'est merveilleux, ça. Ouais. Écoute, c'est ça. Donc, on doit renvoyer des anges déchus au paradis. Puisqu'il fun, notre celui qui nous... mais en même temps, excuse, c'est parce que là, ils aiment présentement, donc ils sont déchus. Il faut que tu ailles les battre en mort pour leur faut dire « arrêtez d'aimer ». C'est ça, c'est quasiment ça. Ben, c'est parce faut que tu les ramènes à l'ordre, parce que finalement, ce qu'ils font en partant, en délaissant le paradis, c'est qu'ils détruisent un peu le paradis. Ouais, c'est vrai, c'est pas bien long. Le paradis devient un peu plus lugubre, puis c'est sombre, ça fonctionne pas. Puis là-dedans, en plus de ça, ce qui est le fun, c'est que celui qui nous tient, qui nous amène toujours à nos épreuves, c'est un gars qui s'appelle Lucimel, si je me trompe pas. Lucifel. Ce qui n'est pas Lucifer. Ouais, c'est ça. C'est Lucifer, qui a l'air de Lucifer, là, quand tu le regardes. C'est un gars avec les cheveux noirs, là, je sais pas. Il a l'air d'un gars de Dawson Creek. mais ce qui est le fun, c'est que le gars, il a un cellulaire, puis il fait tout le temps un update à Dieu. Il fait comme, il est rendu, sauf qu'il y a bien de la misère. Il rush un peu avec certaines personnes. Ah, fait que cool, je te reviens, bye. Puis ouais. C'est avec lui, tu peux sauver ta partie. Puis en plus, quand tu meurs, lui, il va claquer les doigts pour te faire revenir. Okay. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait de ce côté-là. Donc, côté histoire, impeccable. Après ça, gameplay. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? C'est quoi la jouabilité? On a un arc au départ. C'est avec ça qu'on va se battre. Ce que c'est El Shaddai, c'est un genre de jeu de plateforme avec un jeu d'action. Donc, on va devoir se battre contre des ennemis qui vont arriver de part et d'autre. Puis, on va devoir aussi traverser des énormes tableaux, puis faire justement sauter sur des plateformes, aller sur différentes plateformes à gauche et à droite qui vont apparaître, disparaître. Puis, ce qu'on remarque en premier lieu dans El Shaddai, c'est le look du jeu. Ouais. Parce que le look du jeu est vraiment incroyable. C'est très abstrait, on dirait pratiquement une peinture. Les plateformes volent dans les airs, là, un peu. Là, c'est ça, puis au-dessus d'une montagne à brouillard, là, je sais pas trop. Mais c'est beau, ça, on va mettre une vidéo sur le site, mais c'est ça. Bref, je vais revenir au gameplay quand même. Ce que c'est qu'on a un arc pour commencer. Cet arc-là, c'est un peu comme une épée, puis on va se battre avec ça, on va faire des combos. Puis c'est pas compliqué là-dedans, là. On a pratiquement deux ou trois boutons. That's it, là. On fait des combos avec ça, on saute, on va donner des coups. Donc, on va découvrir des combos avec ces petits boutons-là. T'as pratiquement rien comme option, mais pourtant, c'est comme facile à manœuvrer, difficile à maîtriser. Okay, c'est vraiment ça, là, in a nutshell. Puis c'est ça, puis en plus de ça, on n'a pas juste l'arc. On peut avoir aussi d'autres armes. Il y a une arme qui lance des espèces de petits arcs. Ça va tirer des choses. On va avoir aussi une espèce de bouclier qui se sépare en deux avec lequel on va pouvoir se battre. On va rencontrer des boss sans arrêt durant ce jeu-là. Puis ces boss-là, il va nous falloir évidemment une arme plus qu'une autre pour pouvoir les détruire. Ce qui arrive là-dedans, ce qui est dommage dans El Shaddai, c'est qu'il est super le fun le jeu, mais le combat est pas assez difficile. Okay. À un certain point. Peux-tu réussir juste en pitonnant, là? Ben oui. Ouais, hein? Honnêtement, là, oui. Moi, j'ai fini par plus apprécier le jeu. Quand j'ai décidé de vraiment me donner là, sans bon sens pour faire des combos qui ont de l'allure, parce que si j'avais fait la même chose sans arrêt, j'aurais pu réussir le jeu aussi. Ouais. Comme je vous donne un truc, si vous êtes dans le jeu et vous avez de la misère, là, utilisez l'arc qui tire des projectiles. Ça, tu peux battre toutes les boss avec ça, tu peux te rendre à la fin, tu peux finir le jeu en faisant la même affaire. Tu sautes, tu tires des arcs, tu vas battre tout le monde. Okay. C'est sûr et certain. Donc, ça, c'est un peu dommage parce que, bon, tu sais, c'est un peu trop facile. On peut débarrer un niveau plus difficile quand on a terminé le jeu, mais quand on a terminé le jeu, on n'a pas le goût de recommencer. Ça, hein? C'est ouais. Ça. C'est pas, t'sais, une fois que tu as fini, je veux dire, tu l'as apprécié pour ce qui était. C'était pas trop difficile. La vraie difficulté de El Shaddai, elle se retrouve dans les jeux de plateforme. Puis c'est là que l'art... Sauter par-dessus les trous, là. Oui, sauter par-dessus les trous. Ce qui arrive, c'est que l'art dans El Shaddai est tellement abstrait que parfois, on n'a aucune idée d'où ce qu'on s'en va. Quand il y a une texture qui bouge de gauche à droite avec une autre texture qui bouge de haut en bas, puis qu'on doit savoir quelle est la profondeur là-dedans, ouais. C'est impossible. Puis des fois aussi, comme dans l'extrait qu'on est en train de voir, il se promène dans un tunnel, mais le tunnel, il n'y a aucune ombre de profondeur ouais. Dedans. C'est comme si c'était une couleur pleine. C'est super beau, c'est impeccable, mais en termes de jouabilité, ça nous empêche de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, puis c'est de l'essai-erreur. Puis c'est dommage parce que l'essai-erreur dans un jeu comme ça, ça devient assez redondant après un certain temps. Là, quand tu veux juste sauter sur une plateforme, puis c'est ça qui t'empêche d'avancer, ça peut devenir fatigant. Tu sais, tu reviens en arrière, puis là, tu recommences. Au moins, le temps de chargement n'est pas très long quand on manque notre coup. Si on meurt à cause d'un boss, à cause qu'on n'a plus d'énergie, ouais. ça va prendre plus de temps à charger. Par contre, si on tombe dans un trou, ça va faire... puis on va revenir tout de suite. T'as-tu tout le temps des vies? Tu recommences tout le temps des vies. Tout le temps. OK. Tu peux mourir à un certain moment, mais tu vas revenir. Une chose qui est bien intéressante aussi, ce qui fait que ce jeu-là, moi, je dis que c'est un jeu pour les casual gamers, pour les joueurs occasionnels, c'est qu'une fois que tu meurs, tu peux revenir à la vie aussi en pesant sur des boutons hyper rapidement. Ah ouais, hein? Donc... Ah, je serais bon là-dedans. C'est bon, track and field, là, au tir au panier. Là, tu tenais comme un défoncé. Là, tu serais parfait. Là, c'est comme track and field. Mais c'est ça, c'est le fun quand même parce que ça ajoute de quoi. Tu sais, il y a quand même un gros élément de nervosité quand on joue. On a quand même la chienne. Puis ce qui est le fun, c'est que ce jeu-là, il y a des niveaux qui sont en 2D. Puis des niveaux qui sont en 3D. Les niveaux en 2D, c'est vraiment de gauche à droite. Un bon petit jeu de plateforme classique. Ouais. Puis c'est superbe. Je dirais que ces niveaux-là, c'est les ça, niveaux... Ça, c'est fou, là, ce qu'on voit présentement. Puis les nuages, la façon qu'ils sont mappés, on dirait des vrais nuages, mais avec une ligne emprisonnée dans une ligne contour. Mais exact. Puis en plus de ça, à un certain point, il y a une vague qui se promène, puis tu vas pouvoir sauter sur la vague pour pouvoir te rendre plus loin. OK. Il y a un moment donné où on passe devant... une espèce de grande, un grand vitrail illuminé, puis tu vois l'ombre de ton personnage en avant, puis ça raconte l'histoire en même temps que tu avances. Okay. Fait que c'est le fun parce que l'histoire va toujours être racontée via le jeu au fur et à mesure que tu avances. Puis ça, je trouve ça c'est vraiment fun, original. Ça. Ouais. C'est pas mal moins emmerdant que de se la clencher au complet au début. Ah oui, là, totalement. Puis de se taper une histoire, tu sais, en regardant une vidéo, tu sais, ouais. Ça peut devenir vraiment, vraiment plate, là. Puis ce jeu-là, en plus de ça, bon, l'histoire advient un petit peu compliquée, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu poses des questions, tu te dis, ben pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je lui sac une volée? Ils veulent juste aimer. mais tu sais, c'est... Ah, ils te prennent par les sentiments. Ben, c'est bien ça. Ils jouent avec ta tête, man. Ah ouais, ils jouent avec ta tête. Ils viennent dans ta tête. Puis c'est ça. Bref, je vais revenir aux boss. Les boss comme tels sont super faciles. J'ai vraiment des boss très faciles. Puis quand c'est difficile, t'as juste besoin de revenir à ta bonne vieille technique de sauter dans les airs puis tirer les projectiles, puis ça marche. Donc, t'as fini ça, toi, le jeu-là? Moi, je l'ai fini rapidement. Par contre, j'ai l'air d'être négatif dans mon affaire, mais je l'ai dévoré, le jeu. Ouais. T'sais, du début à la fin, là, j'ai trippé, j'ai trouvé que c'est une expérience inégalée. Ah, c'est mangeable, là, quand tu le regardes, là, justement, là, c'est fou, là. C'est tellement beau. Là. C'est super beau. On dirait que chaque pas, tu sais... À chaque fois que tu avances, tout change autour de toi, là, continuellement. Là, c'est tellement beau. Là. Mais tout change, puis tout est... tu sais, comme là, ça se dit mal parce qu'on parle d'un jeu vidéo, mais en télé, des fois, on dit ça. Tout est un tableau dans le sens que tu pourrais arrêter l'écran à n'importe quel moment, puis c'est beau. C'est comme une grosse peinture, puis ça marche tout fait le temps. Si ce jeu-là se vendait dans une boîte, on pourrait avoir des screenshots en, ouais, arrière, c'est ça. En masse, en masse. Là. Exact. Les screenshots seraient tout beaux. Puis c'est ça. Malheureusement, le gameplay, les combats, ça va devenir redondant après un certain temps. Mais à cause du look du jeu, ouais, on va avoir le goût de le finir. On va avoir le goût d'avancer. C'est une quête qui va durer environ 10 heures. Okay. Donc, c'est très respectable. Puis moi, je dirais vraiment, là, c'est une occasion. Là, louez ça pour une fin de semaine, vous n'allez pas le regretter. Par contre, il se peut que votre club vidéo ait regardé la pochette et ait dit « Non, moi, j'achète pas ça. C'est quoi cette affaire-là? » Parce que il est pas très connu, le jeu. Il est sorti, okay, il est sorti au Québec. Il l'a dans les futurs shops. Qui fait ça? C'est quelqu'un de connu? Ça, c'est UTV, je pense. C'est Ignition Entertainment. Okay. Eux autres, je me souviens pas, là, j'ai pas pris de notes là-dessus, mais Ignition Entertainment, c'est pas une compagnie qui est hyper connue, mais ils se sont pas trompés avec El Shaddai. Ouais. C'est vraiment un super bon jeu. Puis malgré ses lacunes, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment eu du fun. Puis comme j'ai dit, il n'y a rien qui ressemble à ça. Donc vraiment, louez-le. Puis si c'est pas possible de le louer, écoutez, achetez-le. Puis achetez-le, puis revendez-le par la suite au Pirelli, parce que de toute façon, vous allez avoir une bonne valeur de revente. C'est un jeu qui est assez rare dans un sens. C'est pas grand monde qui vont aller vendre ça. Moi, je sais que quand je l'ai vendu, j'ai eu une très bonne valeur. Fait que... Ça veut dire que si tu collectionnes, t'es mieux de le garder, parce qu'il va être très rare dans 20 ans, puis ça va être un hidden gem. Totalement, puis je suis certain que ce jeu-là va traverser le temps. À vrai dire, je suis certain que... Ben oui. Il va y avoir une suite à ça, puis ça va être pas mal intéressant. Bref, bon jeu, El Shaddai, Rise of the... Non, Ascension? Rise? Je me souviens plus du titre complet, mais c'est pas grave, ça s'appelle El Shaddai, puis ça parle de Jésus, puis ses affaires-là, là, puis de l'amour. Fait que aimez-vous les uns les autres. Donc moi, je vais vous parler d'un jeu, écoute... Premièrement, vous savez, j'ai une 3DS, puis comme tout le monde, je suis un peu déçu qu'il n'y a rien à faire avec jusqu'à ce que Kid Icarus et tout le reste sorte. Mais quand même, je m'ennuie pas, parce qu'il y a du bon stock à downloader via le eShop de la 3DS. Pas des jeux 3D ni rien, mais tout le DSiWare, il y a du bon stock. Puis j'ai downloadé un jeu qui s'appelle Antipole, qui est également disponible sur le Xbox Live, ouais, c'est Indie ça, je pensais. Games. Donc, c'est considéré un jeu indépendant, ça, ouais, apparemment. C'est fait par Saturnine Games. Puis, c'est un jeu de... c'est un platformer, je dirais, mais t'as un gun aussi. Mais en tout cas, c'est un platformer de gravité inversée. Oh. Que tu joues avec la gravité. Okay. Vous avez peut-être entendu parler de l'excellent jeu indépendant VVVVV. Ouais, c'est ça. C'est vraiment carrément la même affaire. Ah oui. Et si vous avez aimé VVVVVV, dites-vous que sur le NES, dans le temps, il y a un jeu qui s'appelle Metal Storm qui était assez pas mal dans les débuts de jouer avec c'était la gravité. Cool, ça c'était excellent. Donc, c'est ça. Dans ce jeu-là, t'es Johnny Hurricane. Un gars totalement habillé comme Carmen Sandiego. T'as un trench coat rouge, un chapeau rouge. Je te jure, là, c'est vraiment dégueulasse. En tout cas. Mais t'es un mercenaire, écoute, qui est engagé par le gouvernement pour infiltrer un vaisseau spatial robot, qui est plein de robots, puis des pas fins de robots, puis il faut tout que t'ailles détruire ces affaires-là. C'est donc bien compliqué comme histoire pour un petit jeu indépendant, non? Ouais. Ben, en même temps, c'est un peu con, là. Ben, on s'en sac totalement ouais, cette histoire de con-là, là. Mais en tout cas, ben, c'est pas très important, là, l'histoire. Parce que, dans le fond, le jeu, il est... Comment dire? Je vais expliquer comment ça se passe un peu. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait dans Antipole? Parce que là, tu as dit que c'était sur la gravité. On joue avec la gravité. Tu pars au début d'un tableau, tu as des stages, tu as 20 levels, tu as 4 boss. Ça veut dire que tu as comme. Donc 20 divisé par 4. 5. T'as 5 mondes, là, finalement. Puis dans ces 5 mondes-là, il y a 4 tableaux. OK. Ouais, c'est ça. Puis chacun de ces mondes-là a une thématique. Au début, bon, c'est juste comme le vaisseau standard. Mais dans le deuxième monde, il y a des pics partout. Okay. Le troisième monde, c'est de l'électricité partout. Il y en a un autre que c'est des... Il y a des petites bébites, des araignées, qui, elles aussi, inversent la gravité. Donc, quand toi, tu pèses ton bouton pour coller au plafond, puis tu passes dans leur rayon, elles, ils te renvoient au sol. Là, OK. Puis c'est ça, faut que tu passes à travers les tableaux, t'as un gun aussi, il y a des petits robots un peu partout, il y a des traps, c'est vraiment, c'est un jeu, c'est un death trap, là. Okay. T'es comme prisonnier un peu, même si c'est toi qui es engagé pour aller là, t'es prisonnier un peu de cette station spatiale-là, tu sais, pleine de pics, puis de lave, puis de cochonneries partout. Puis, mais au début, là, écoute, c'est bien difficile, là, parce que t'avances, mais quand tu payes sur le bouton de la gravité, ben d'un, quand t'es pas habitué à ça, c'est déjà assez fuckant de jouer à l'envers. Ouais, c'est quand ça. T'es collé au plafond puis que tu sautes, ton bonhomme va par en bas. Ouais. Ça fait au départ, t'es pas. Ça prend un petit peu de temps avant de se mettre dedans, là, vraiment. Mais quand même, très vite, on commence à. Tu sais, ça tremble dans le corps. Là, ouais. Dans le fond, c'est pas trop. Au début, moi, j'haïssais ça. Hein, je mourais tout le temps. Mais ça finit par te rentrer dans le corps, puis après ça, ça va bien. Mais quand tu inverses la gravité aussi, ton personnage, il prend de la vitesse. OK. Fait que tu peux vraiment là, clencher là, comme un malade puis aller super, super vite. OK. Fait que ça aussi, c'est le fun, mais en même temps, des fois, c'est vraiment là, ouais, ça va c'est trop ça. Vite, là, puis tu meurs souvent. Mais d'ailleurs, c'est ça, tu meurs souvent dans ce jeu-là okay. aussi. Là. À force d'essayer, puis d'aller vite, puis de comprendre, tu sais, comment est-ce que le tableau il est fait. Puis une affaire qui m'écœure, c'est que quand tu meurs, c'est long. Là. OK. Hein, t'as vraiment, t'sais, c'est quoi, t'as un temps de chargement là-dedans? Oui, t'as de la gravité, t'as comme une barre en haut. OK. Puis quand tu pèses sur le bouton, ça la consomme. Fait que tu peux pas rester collé au plafond infiniment, indéfiniment. Puis, ah ben oui. C'est pour ça. Puis quand tu atterris au sol, là, la barre, elle se remplit. OK. Donc, c'est ça. Comme je disais, tu meurs souvent. Puis quand tu meurs, ça fait bip, bip, bip. Puis là, ton écran du haut de ta 3DS, ça clignote rouge, tu sais. OK. Mais c'est long, là. Moi, je veux mourir. OK, je suis mort, tu m'as eu. On va recommencer. Tu veux juste armes, repaiser ton c'est quoi le but de me faire mourir? Là, ben, ça doit loader en arrière de ça, là. Mm. Mais ça, écoute, là, ça m'a vraiment déçu, là. Puis, il n'est pas super beau le jeu. Ben, c'est ça que j'allais dire. Les graphiques sont corrects. Ouais. C'est pas malade. T'sais. La musique est correcte aussi, si on peut appeler ça de la musique. T'sais. C'est très, justement, station seule dans l'espace, lugubre, t'sais, robotique. Les robots sont pas violents. Là. C'est pas des cyborgs qui te sautent dessus. C'est des petites affaires clinquantes. Là. Cling, cling, cling, hey boy, okay. C'est comme pas très menaçant. Mais c'est. La musique, c'est ça, genre. Même ouais. que ça, c'est. Ben, ça, c'est assez lugubre, là, justement. Ouais, c'est ça. Le spatial lugubre, là. Ah, c'est vraiment lugubre, là. Ouais. Ça me fait penser à Air Fortress, un peu, ouais. sur NES, là, côté gars abandonné tout seul dans l'espace avec la musique lugubre. Mais c'est correct, parce que t'as pas vraiment le temps de t'en occuper, là, parce que ça a l'air bien lent comme ça, là, mais ça va très vite. Ouais. Mais il y a quand même des twists, écoute, c'est le fun de jouer avec la gravité, là, quand même, là, parce ah oui, que, mettons, les boss le lancent des bombes, tu sais, faut que t'envoies la bombe au plafond, puis t'as kick, là, ça y rebondit dessus. Tu sais, il y a des choses à faire aussi dans le jeu, ramasser des scènes. T'as trois scènes par monde, dans le fond, pour réussir à ramasser. Puis, t'as aussi d'un beat de clock, là, si je peux dire. Pas un spécial dans les bars, là, mais de réussir à passer ton tableau rapidement. Tu peux le passer, tu sais, en prenant ton temps, là, bien comme il faut, puis ça presse pas. Mais après ça, un coup que t'as fait le jeu, tu sais, t'as comme le goût, là, de réussir à passer les niveaux dans les temps, tu sais. C'est là que tu te mets à aller super vite, puis à vraiment te pratiquer, puis à. Ça se met à aller bien, bien vite pour ça. Okay. Ça c'est, j'ai trouvé ça quand même le fun. Parce que on s'entend, là, ce jeu-là est vraiment pas difficile à passer. Là. Non, puis, j'imagine. Là. Parce que ça, c'est. Puis en plus, c'est combien ça sur la. C'est 5$ à peu c'est près. 5$, c'est mais en attendant, tu sais, qu'il y ait des bons jeux. C'est un jeu correct, là, pareil. J'ai passé du temps là-dessus, puis c'était pas comme bon, là, faut que j'aille jouer anti-pôle, tu sais. Ma 3DS est à côté de ma face sur ma table de nuit. Ouais. Puis je l'ouvrais. Tu sais, quand t'as fait, alors, t'as tu fait sur Slick, ça fait que tu l'ouvres, tu pars, de, puis tu l'ouvres dessus. Fait que ça, j'ai quand même eu du fun. Ah, c'est cool. T'es quoi, t'as un bon jeu pour 5$. 5$, c'est pas cher. Non, c'est ça. Mais tu sais, les boss sont quand même pas mal une joke. Là. Okay. C'est vraiment pas dur. Puis le boss de fin, étrangement, c'est le plus facile de la gang. Là. Donc, ça, ça m'a un petit peu déçu. Là. Puis c'est ça aussi, quand tu finis le jeu, t'as des challenges. Okay. Donc, tu as des tableaux qui sont cool, là, puis qu'il faut que tu fasses des trucs dedans. Comme, mettons, tu pousses une boîte, faut que tu l'amènes jusqu'au bout du tableau, la boîte. Okay. Mettons, et tu joues avec la gravité parce qu'elle se faufile dans des couloirs, puis il y a de la lave. Puis quand tu t'inverses la gravité, la lave te lève d'en face, mais ça pousse la boîte, tu sais. Donc, c'est très, très comme tricky, ces petits challenges-là, mais ils sont le fun à faire quand même. Là. Fait que j'ai essayé de toutes les faire, mais. Okay. pas réussi encore. Ouais, c'est mais ça. Quand même, j'ai rejoué. J'ai repassé les tableaux pour ramasser toutes les scènes. J'ai repassé les tableaux pour les passer dans le bon temps. J'ai battu une couple de challenges. Puis, si j'attends chez le dentiste, là, je vais leur sortir ou je vais continuer à essayer de battre les challenges. Ah, c'est cool, ça. Puis, il y a quelque chose de très intéressant à ce jeu-là. Saturnine Games, donc, qui l'ont fait. Oui. On a fait un autre jeu que j'ai jamais essayé qui s'appelle Cosmos X2. Ou, je sais pas, Time 2, je sais pas trop. C'est un shoot'em up. Okay. Qui a de l'air assez moyen, ma foi. Mais ce qui arrive, c'est que si jamais tu download Cosmos X2, oui. Puis que tu as déjà downloadé Antipole, ça débloque un mode d'Antipole. Triple Weapon. Donc, quand tu vas jouer Antipole, tu vas avoir les armes du vaisseau de Cosmos X2. Cool, ça, j'ai trouvé ça. Écoute, quelle bonne façon de vendre tes jeux. Ben même, oui. Ils sont pas bons. Moi, tout de suite, quand j'ai eu... Ben, ils sont pas mauvais. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai mon Dieu, Cosmos X2, 5$, ça a l'air correct, tu sais. Ah, mais oui. J'aurais les armes dans... Tu sais, c'est clair que j'ai envie de le pogner les deux idée, jeux là. De Saturn 9. Là. J'ai trouvé ça très, très, très ingénieux. Là. Très cool. Mm. Mais non, c'est ça. Donc, dans l'ensemble, c'est un bon petit jeu qui va vous faire passer du temps en attendant les gros hits de la 3DS. Puis, c'est pas cher, c'est bien. Mais écoutez, vous pouvez également jouer à VVV totalement gratuitement sur Internet. Là, mais c'est quand même une autre expérience. Puis, je vous le recommande quand même. Là. Ah, pas à cool. ce prix-là, j'étais pas déçu de mon acquisition. Bon, ben moi, je vais vous parler d'un jeu... Vraiment, c'est Burnout Crash. Burnout Crash, la première fois que j'ai vu la bande-annonce de ça, je me suis dit « Merde! » Parce que vraiment, Burnout, ça fait longtemps là, qu'on veut un vrai Burnout avec des courses qui vont direct au but. Il y a eu Burnout Paradise, c'était super le fun, mais on veut toujours revenir à l'ancienne formule de Burnout avec des courses prédéfinies, avec le mode Crash dont on s'ennuie énormément. Ben là, ils sont allés complètement ailleurs. C'est Criterion Games qui ont fait ça. Puis ils l'offrent pour XBLA puis PSN. Puisque c'est Burnout Crash, c'est tout simplement un jeu qu'on voit vu de haut. On voit un carrefour finalement, une intersection. Puis nous autres, on va aller avec notre voiture le plus vite possible. Puis on va aller foncer dans un premier véhicule. Puis après ça, on va faire foncer d'autres véhicules dans d'autres. On va créer des carambolages. Puis on va faire exploser notre char pour pouvoir faire voler les autres voitures. L'affaire là-dedans, c'est que il faut absolument qu'on laisse pas passer ces voitures-là. S'il y a 5 voitures qui finissent par se sauver parce qu'on les a pas fait exploser ou parce qu'ils sont pas foncés dans d'autres véhicules, ben on perd la partie. Ça a l'air bien niaiseux de même puis bien facile, mais c'est vraiment pas évident. Ça devient rapidement comme un puzzle, finalement. Ben ça, moi, je suis pas familier avec les Burnout. C'est-tu comme la même formule que les vrais gros Burnout? Ben, c'est parce que Burnout, normalement... Burnout Paradise, là. Ouais, Burnout Paradise, là, c'est un jeu de char normal. C'est un jeu de course. Ça pète tout autour, ça ne tombe en face. Ouais, c'est ça. Tu roules, puis la twist de ce jeu-là, c'est que tu fonces dans les autres chars, puis t'es fait voler, puis ça te donne des points, contrairement à dans d'autres jeux où tu foncerais dans les voitures, puis finalement, ça... C'est négatif. Bref, là-dedans, c'est positif de créer le chaos. Puis il y avait aussi un mode crash dans le temps qui faisait que toi, tu pitchais dans d'autres chars, tu te lançais dans d'autres voitures, puis il fallait que tu en fasses sauter le plus possible. Puis c'est ça, ce jeu-là. Il l'avait annoncé, il y avait eu vraiment, il avait déposé la marque. Criterion avait déposé Burnout Crash. Fait que moi et Tristan Geoffroy, quand on a vu ça, on a fait comme « All right, Crash, c'est revenu! » Puis là, quand on a vu le trailer, on a fait comme « Ben ouais, vraiment, parce qu'on se voit dessus, on dirait les chars dans Dick Tracy sur le NES. Ouais, c'est ça, vraiment, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, ça a l'air moche, finalement. Ouais, c'est ça, ça a l'air moyen un peu. Le jeu est pas si beau que ça, mais c'est vraiment le fun. Ouais. Tu sais, moi, j'avais... parce que le jeu, là, c'est vraiment tout frais. Moi, je l'ai acheté aujourd'hui. J'ai joué au démo aujourd'hui, puis je l'ai acheté après avoir terminé le démo parce que j'étais trop accro, là. Parce que ce qui arrive là-dedans, c'est que au départ, ton véhicule, tu le fais lancer, tu le propulses dans un autre véhicule, puis après ça, Il y a d'autres véhicules qui vont rentrer dans d'autres, puis ça va créer des accidents. Puis après ça, toi, tu vas peser sur ton bouton pour le faire exploser, puis ça va faire sauter d'autres véhicules pour ensuite faire sauter les maisons qui sont autour. Après ça, il y a des camions qui vont avoir des explosifs dedans. Donc ça va créer de plus grosses explosions. Tu peux avoir des power-ups comme un aimant qui va permettre d'attirer tous ces véhicules-là vers toi pour créer encore plus de chaos. Des fois, même, tu peux monter d'énergie sans arrêt, puis il va y avoir une grosse tornade qui va passer partout par-dessus la ville, puis tout détruire, puis ça va te donner des points. À vrai dire, ça te donne de l'argent. Ouais, tu fais quoi avec ce cash-là que je veux monter depuis tantôt? C'est que ce cash-là, c'est tes points au final. C'est juste que les autres se sont dit, à la place de mettre des points, on va mettre du cash. On va mettre du gros cash. C'est bon, ça. Fait que, même ça, le cash. Mais c'est ça. Puis Criterion, de toute façon, ils ont le sens de l'humour. Ça a tout le temps été le cas. D'ailleurs, il y a une pub qui est sortie pour Burnout Crash qui est très bonne. C'est avec David Hasselhoff qui fait des power moves de poulet avec ses bras. Tu sais, c'est vraiment comique parce que le jeu il est aussi disponible en version Kinect. Donc tu déclenches tes explosions avec des mouvements. Moi, personnellement, je veux rien savoir. Ouais, non, c'est clair. Je veux vraiment rien savoir de ça. Mais bon, moi, je joue à la version classique avec ma bonne vieille manette. Ça me va très bien. On passe une bonne soirée. Là, parlons pas de Kinect. C'est ça. Parlons pas de Kinect. Non, je dis ça, j'ai jamais essayé. Là. Moi, j'ai essayé, puis pour moi, c'est un gadget. Kinect. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bref. Burnout Crash, faut vraiment pas juger le jeu en regardant une image. Téléchargez le démo au plus sacrant, puis vous allez voir si c'est pour vous autres. Le gros bug négatif de ce jeu-là, premièrement, il y a la voix fatigante de l'annonceur qui est tout le temps là pour te dire tout ce que tu fais, puis pour donner des commentaires sur tout ce qui se passe. Il est vraiment fatigant. Il était là dans Burnout Paradise. Tout le monde le déteste. Puis il est revenu dans Burnout Crash. C'est-tu comme si c'était comme un show filmé, ça, là? Ben, non, c'est juste que c'est un gars, il regarde tes actions, puis il fait comme, « Ouh, okay. Le voilà, qui fait le méga carambolage! » Puis là, tu fais, « Ah, ça sert à rien, tu m'énerves! » Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment fatigant. Puis aussi le fait que le jeu, bref, si tu joues tout seul chez vous, le jeu, tu vas pouvoir le terminer, je sais pas à l'intérieur de combien de temps, mais je suis déjà rendu à peu près à 30%, donc c'est assez rapide. Je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais. Fait que, tu sais, ça va se finir rapidement. Mais tu vas rejouer. Tu peux rejouer en masse. C'est ça l'affaire, c'est que ce jeu-là. Ben, c'est le fun. C'est ça. Tu vas y revenir sans arrêt. Détruire, péter les autres chars. C'est tellement le fun de détruire, tu sais. Ouais. Fait que, puis c'est un jeu, c'est ça. Ça demande pas énormément de cerveau pour jouer à ça, mais franchement, là, fait que c'est merveilleux. Vous pouvez jouer dans n'importe quel état. Parfait, pour n'importe quel épais ou... Ouais, c'est ça. C'est son sujet. Pour n'importe quel état. Mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, admettons, t'es dans un party, t'es complètement magané, puis tu veux jouer à un jeu. Bref, ça serait un bon classique, tu sais. Puis, une autre affaire qui est super intéressante, c'est que c'est un jeu qui supporte Autolog, qui est un peu le EA ont vraiment poussé cet engin-là qui te permet d'avoir des défis avec tes amis ou avec d'autres mondes. Fait que c'est un mode multijoueur, mais qui peut se déclencher à n'importe quel moment. Okay. Donc, on peut avoir des défis avec d'autres joueurs, ce qui marche très bien. On peut jouer en ligne très facilement. J'avais un petit peu de misère à me trouver des parties, personnellement, parce que, bon, j'ai acheté le jeu. Tu l'as acheté aujourd'hui. Très rapidement. Ouais, c'est ça. Mais quand je l'ai essayé, ça fonctionnait, puis c'était super le fun. Bref, petit jeu qui a l'air de rien, mais qui en offre énormément. Il coûte 10$, disponible sur PSN, XBLA. Téléchargez ça, téléchargez le démo, puis vous allez adorer, j'en suis persuadé. Donc, Colin, une critique rétro-nouveau. Ben oui, déjà, tout de suite, en partant au retour du bébé. Yes! C'est tout. Ben, ça fait longtemps qu'on va en faire, ça. Ouais. Ben, écoute, il fallait que je travaille pour ramasser de l'argent pour aller sur eBay et pour me procurer contrat hardcore dans lequel on avait déjà parlé dans un épisode précédent. Oui. Copie qui était listée à 100$. Et puis, tu sais que sur eBay, tu peux faire buy it now ou ben make offer. OK. Et puis là, je me demande, c'est qui les caves qui font buy it now quand tu peux faire une offre, tu sais. C'est quoi? Fait que là, j'ai proposé le gars 50$. Là, il a dit non. Fait que non, fuck all. OK. Fait que là, après ça, je suis revenu 60$. Puis j'étais sûr qu'il allait dire fuck you, mais finalement, bang, je l'avais acheté. Ah, ouais. Du coup, j'étais comme, oh shit, man, je viens de dépenser 60$ juste en prenant un gars. 60$ pour un vieux jeu de même. Ben ouais, mais en même temps, tu sais, c'est un bon investissement parce que d'ailleurs, je le mets dans ma collection parce que je suis pas grayé beaucoup en jeu de Genesis parce que j'ai eu mon Genesis l'année passée étant un garçon de Super Nintendo dans mon enfance. Et tout le monde qui a eu un Genesis, qui ont joué à ça, s'entendent pour dire que c'est un must. Oui. Puis, écoute, ça coûte cher, mais c'est un jeu qui vaut la peine, puis je le voulais, puis je l'ai, puis on peut en parler. Oui. Donc, c'est sorti en 1980, c'est fait par Konami, premièrement, c'est Contra, comme toutes les autres, puis c'est sorti en 1994, puis bien sûr, c'est un run and gun. Donc ça, ça se passe 5 ans après les Alien Wars qu'il y a eu au Super NES. OK. Mais, tu sais, dans le look, ben dans le look un peu, mais dans l'histoire, tu sais, il n'y a pas vraiment de lien, là. C'est même pas les mêmes personnages. Donc, écoute, après une guerre, le monde est dévasté, tout est scrap. Puis là, bien sûr, dans les ruines, il y a du crime partout, c'est le bordel. Puis à travers de tout ça, il y a un méchant qui essaye de récupérer une alien cell pour se faire une armée d'alien puis renverser le gouvernement. Comme si ça allait passer mal. Ouais, c'est ça. Donc, pour faire le ménage à travers ce fouillis d'après-guerre, c'est l'unité hardcore. Donc, il y a 4 personnages que tu peux choisir. Déjà, ça fait une bonne différence avec les combats. Ouais, c'est ça. Puis, ben, je vais vous les nommer. Les ai dans le livret d'instruction ici. Là, tu vas voir, ça, ils donnent un petit look dans le livret d'instruction qui font un peu Uprising. Ah, aussi, ouais. Donc, tu as Ray Howard qui écoute le personnage d'eau du standard. Là. C'est le frère de Ron Howard, le fameux réalisateur. Ah, ça serait pas pire. Non, ben, c'est le Average Joe. Là, coupe de cheveux blonds. Ben normal. T'as une fille qui s'appelle Shina Etranzi, okay. Qui est une pas mal average elle avec. Parce que chacun a des spécialités, chacun est quand même différent. Okay. Mais ces deux-là sont pas mal standards. Okay. Après ça, t'as une espèce de loup-garou cyborg. Écoute, une espèce de mélange de n'importe quoi. Il s'appelle. C'est ça. Ah, c'est vraiment une drôle d'idée. C'est The Ultimate Fighter. Puis elle n'a pas mélangé avec l'Ultimate Warrior. Ouais. Puis il s'appelle Brad Fang. Et puis t'as un petit robot aussi que tu peux choisir. Il est vraiment tout petit. Là. Il est la moitié de la grosseur de Ray, là, personnage normal. Il s'appelle étrangement Brownie. Voilà. Comme les gâteaux Vachon. Mais aussi, tu peux l'appeler le modèle CX-1-DA300. Ah ben oui, c'est simple. C'est simple de même. Donc, chacun a ses spécialités. Tu vois, le loup-garou, Brad, lui, il est plus grand que les autres. Okay. Puis je trouve que ses armes sont plus killer, tu sais. Ouais. Parce que là-dedans, c'est comme des contrats d'habitude. Tu pognes les armes, là, ça passe dans des capsules au plafond, ben dans le ciel. Puis tu peux en avoir jusqu'à 4. Okay. Ça, c'est le fun. C'est 2 de plus qu'au Super NES, plus une bombe. Puis mettons, si t'as un peu, je sais pas moi, si t'as Brownie, ben l'arme 1 sera pas pareille que l'arme 1 de Brad, tu sais. Okay. Donc 4x4, ça fait 16. Non, mais cool, ça. T'as 16 guns au total à essayer dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment génial. Puis les armes de Brad, ben c'est ça, c'est vraiment les plus mortelles. Il y a une espèce de shotgun, il sac un coup de poing parce qu'il y a des bras en métal, là. C'est pas comme Jax dans Mortal Kombat. Puis ça fait comme des coups de shotgun, là. Ça n'a pas de portée, mais ça tue. Mais il est plus facile à tuer parce qu'il est plus grand. Puis Brownie, lui, il est cool parce qu'il est tout petit. Puis il peut faire un double jump. Okay. Ça fait que tu peux te ramasser plus loin dans l'écran, il est comme un petit peu plus rapide. Là. Okay. Mais ses armes, on les trouve un peu poches. Là, puis là-dedans aussi, une nouvelle chose, c'est qu'on peut glisser. Ah, quand ouais. tu glisses, ben, c'est comme un Strider. Ben oui. J'aime ça faire des liens avec les autres. C'est comme un Strider, ça blesse les gens. Donc, si t'es mal pris, là, tu peux glisser, tu vas passer au travers du monde, ça peut être bien pratique. Home run. Donc, la première chose que tu ressens quand tu pars ce jeu-là, là, écoute, t'arrives dans un truck, là la musique, elle part. Le truck arrive et t'écrases du monde. Le bonhomme, il sort. Puis tout de suite, t'as une armée qui se jette sur toi. Là. C'est tellement, mais tellement rapide. Aïe, aïe. J'ai jamais été dans un run and gun aussi rapide que ça. Là. Moi, ça m'a subjugué. Là. Il me fait penser, par exemple, quand je le regarde, il me fait vraiment penser à Alien Wars, le troisième ça sur ressemble. Super Nintendo. Ça hein. ressemble, mais c'est comme Genesis Super Nintendo. C'est ça, c'est on est vraiment, on est dans le même temps. On est dans le même temps, mais c'est quand même différent. Mais je vais expliquer un peu les différences ouais, là, ouais. en y allant. Puis, c'est ça. Donc, pour revenir à la vitesse, on sent... Tu sais que le Genesis, tout ce qu'il y avait de supérieur au point de vue des specs, mm-hmm. c'était son processeur de 5.6 MHz comparativement à 3.6 MHz. De là, les jeux de Sonic, tous les jeux qui vont tellement vite sans laguer. Trop vite pour tes yeux, jeune homme. Ouais, trop vite pour la Super Nintendo. Donc ça, c'était... ils ont utilisé là, vraiment le plein potentiel. Ça lague pas, puis ça va tellement vite. Là. Donc, écoute, chapeau en même temps. Moi, je me faisais tuer là, au début. Là, juste le temps de prendre le beat. Là, parce que les personnages, c'est pas comme à Contra 1. Ils dandinent dans le bois, puis ils arrivent, puis tu te sauves à un moment donné, tu te reviens, tu le tues. Non, ils vont sur toi. Là, puis, on trouvait ça con qu'ils ne soient pas armés dans le temps. Ouais. Ben, là, c'est pas grave. Ils sont pas armés parce qu'ils vont tellement vite qu'il faut que tu les tues immédiatement. Là. Donc, c'est très difficile à cause de ça. Puis, mais je sais que dans la version japonaise, tu avais une live bar. Puis, je pense que ça revient, ça, dans Uprising. Oui. Ça se peut-tu? Ça revient. Ouais. Donc, voilà, on peut pas, version américaine. Okay. Désolé. Puis. C'est un coup, tu meurs, là. Un coup, tu meurs. Puis, c'est ça qui est plate aussi parce que c'est vu que c'est tellement difficile. Puis, quand tu commences un jeu, tu connais pas encore par cœur. Mm-hmm. Chaque boss est une surprise. Chaque bonhomme qui arrive à une place pendant que tu sautes est une surprise. Fait que t'as comme des cheats. Cheap death, tu sais, d'être dans le bon vieux temps, là, quand les jeux étaient durs, puis avec une sorte de tuer, puis là, faut que tu mémorises qu'est-ce qui fait quoi. Fait que moi, en explorant ce jeu-là, à chaque nouveau boss, tu sais, tu te fais tuer là, 100 000 à l'heure, fait que là, faut que tu recommences. Ah. Tu peux pas savoir comment est-ce que j'ai recommencé souvent là, pour me rendre finalement juste au quatrième stage et demi, je pense. Je suis désolé de vous le dire, j'ai vraiment pas réussi à passer au travers celui-là, là, parce que c'est vraiment difficile. Mais c'est ça. Donc, je trouvais ça un peu plate de mourir si facilement. Mais écoute, c'était de même dans le temps. Mais à force de jouer, je suis sûr là, qu'on finit par tout aussi, savoir. Puis aussi, quand on joue à deux, c'est ça. Parce que, ben, c'est ça. Malheureusement, j'ai pas pu jouer à deux. Là. Ma blonde n'était pas partante. Là. Puis je la comprends. On fera peut-être ça un moment donné. Mais même à ça, ça va tellement vite que je suis sûr qu'à deux, c'est encore pire. Là, parce qu'il faut que tu te concentres sur l'autre en plus qui meurt. Puis quand il meurt, ça t'empêche d'avancer. Puis là, le monde arrive sur toi très vite. Fait que ça doit pas aider bien. Regarde les boss, c'est vraiment n'importe quoi. Celui-là, il est tordu quand même. Là. J'avais jamais vu ça. Il y en a un, on dirait que c'est Tetris en boss. Ouais, on dirait des plaquettes de céramique là, qui volent, qui t'attaquent. Non, mais ça, c'est un boss-là. T'avais les signes du Zodiac. C'est ça, c'est un personnage assez spécial, ça. Puis, il fait quatre signes du Zodiac. Après ça, il se transforme en espèce d'affaire de main flottante. Mais le personnage, c'est un hacker. Là. Tu dis, bon, il est dans la technologie, puis il t'a envoyé des affaires. Mais écoute, ce qu'il y a de différent avec le Super NES, ben je trouve, déjà au Super NES, quand tu jouais à Alien Wars la première fois, tu te dis, mon Dieu, il se passe des affaires. Il y a un gros avion qui vient mettre le feu, il y a une affaire qui écroule, tout ça. Mais là-dedans, il y a tout ça, mais encore plus, tu sais. Mm-hmm. Un des gros boss épiques, là, gigantesques de demi-tableau. Et puis, j'ai été surpris à un moment donné, tout de suite au deuxième tableau, tu peux être en moto, tu sais, il y a des motos là, dans Alien Wars. Donc, tu rides ta moto, là, soudainement, t'embarques sur un jet, puis là, la vue change. C'est comme si le jet, il visait vers toi. Tu vois, le devant du jet, là, toi, t'es dessus, tu sais, puis tu peux attaquer. Ou un autre tableau, tu cours après une espèce de vaisseau, t'es encore en moto. Le whoop, ta moto se transforme en espèce d'autruche, tu sais, qui court. Mon Dieu, t'es constamment surpris. Là, quand tu réussis à péter cette affaire-là, là, ça devient noir. Tu changes encore de vue, puis là, ton personnage, il court vers toi, puis au loin, en arrière, t'as une espèce de gros robot, là, il est loin, là, mais il t'envoie des balles avec ses bras, il te lance ses bras, puis là, toi, au premier plan, tu sais, il faut que tu les évites, après ça, il se rapproche du plan, puis là, il faut que tu le chopes pendant ce temps-là, après ça, il recule en arrière. Je te dis, man, j'ai tellement été surpris quand ça est arrivé, là, que même après toutes ces années, tu sais, je trouve ça totalement innovateur, d'avoir un run and gun, que ça change les perspectives comme ça, là, ça... En même temps, autant que tu meurs de surprise, mais en même temps, t'es content, tu sais, tu te dis, mon Dieu, tu sais, imagine, t'achètes ça dans le temps à 80$, t'en as pour ton argent, parce que c'est tellement varié. Puis encore une autre affaire innovateur pour celui-là au Genesis, tu choisis tes chemins. Pas tout le temps, mais après le premier, j'ai choisi juste une fois, mais je pense que plus tard, on peut le refaire encore. Il donne le choix, tu sais. quand tu as tué le boss du premier tableau, ils disent OK, qu'est-ce que tu vas faire? Courir après ou bien aller à la base parce que la marde est pognée dans la base. T'sais. Là, tu choisis, puis les deux tableaux sont différents. Donc, totalement différents. Les boss sont différents. Non, eux autres, ils ont joué à Dracula's Curse. Ben, ils ont joué carrément. À Castlevania 3, ben, là, oui, ben, voilà, c'est vraiment génial pour ça. Puis, ça te, ben, justement, ça donne le goût de rejouer, de réessayer les autres chemins. C'est vraiment cool. Puis, écoute, le contrôle, il est très bon, mais moi, ayant joué Alien War, justement, on s'ennuie, je trouve, de plus de boutons sur la manette. Mm-hmm. C'est comme, tu as déjà joué à Street Fighter sur Genesis? Oui. Tu sais, tu as tes trois punches, puis là, si tu veux kicker, il faut que tu payes sur Start pour que tes... ça devient des kicks. Ouais, t'es limité avec les trois boutons, là, c'est ABC, je pense. Parce que quand tu cours puis tu veux gonner en diagonale, des fois tu veux pas courir, tu veux gonner en diagonale sur place. Là, faut que tu payes sur un bouton. Mais si tu payes sur le bouton pendant que tu n'avances pas, ça change ton gun à la place. Là, je trouvais ça tricky. Là, à force de jouer, si tu réussis, là, ça te rentre dedans. Mais là, j'ai joué quand même pas mal. Mais ça m'a tué une couple de fois, cette affaire-là. T'sais. Donc, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais écoute, les graphiques sont excellents. Je pense que c'est ce que le Genesis peut offrir de mieux. La musique est bonne. C'est pas tant de la vraie musique comme au Super NES, encore une fois. Ben, mais c'est mais c'est juste... C'est comme... C'est speedé, là. C'est pas grandiose, c'est pas des refrains, rien. Mais c'est ça, c'est speedé, puis ça fait juste à faire capoter encore plus. Donc, c'est parfaitement d'adon, tu sais, puis je pardonne là, que ça soit pas qu'est-ce vraiment... Qu'est-ce que tu as joué contre toi, t'as Chris-moi un peu! Alors non, je mors quatre fois pendant trois secondes. c'est ça. Puis, écoute, il y a aussi une affaire drôle que j'ai... premièrement, il y a des cheats. Hein? Moi, j'ai essayé les cheats. Voilà, contre eux, tu peux avoir 33 vies là-dedans. 77, je me rappelle plus. Okay. Si je me rappelle plus, c'est parce que j'ai pas réussi à le faire. Okay. Parce que je pense que ça se fait juste sur une version japonaise, mais ça serait pas supposé, pourtant. J'ai tout essayé. Il y a un autre cheat pour avoir toutes les armes, tu sais. Okay. J'ai tout essayé ces cheats-là. Aucun n'a marché. Hein. J'étais vraiment déçu. J'étais déçu parce que, tu sais, pas parce que je veux cheaper, là, mais je voulais me rendre plus loin, tu sais, pour essayer d'en parler encore plus. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave, là, quand même. Je continuerai à... de façon traditionnelle, j'ai pas réussi les cheats. Allez voir sur Google, là, puis si vous avez une copie entre les mains, peut-être vous autres, ça va marcher. Je comprends vraiment pas pourquoi ça a pas marché. Je l'ai fait comme il faut des milliers de fois. Mais je veux, petite parenthèse, là, les cheats, Colin, moi, c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, maintenant, il n'y a plus ce niveau d'excitation-là pour les cheats qu'il y avait avant, tu sais. Avoir les codes secrets dans le temps des... Je veux dire, dans le temps du Nintendo Power aussi, tu n'avais pas Internet dans ce temps-là. Fait que quand tu apprenais qu'il y avait malade. Un code pour le jeu que tu avais acheté, tu le voyais dans le Nintendo Power, dans Classified Information. Oui! Je peux être invincible à Shadow of the Ninja. C'est ça. Je vais pouvoir passer mon jeu. Tu te sentais big. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a aussi, dans ce temps-là, les jeux, je veux dire, c'était pas comme maintenant. Maintenant, je veux dire, on parlait de El Shaddai tantôt. Tu meurs pas, c'est ça. Tu recommences tout de suite. Mm. Burnout Crash aussi, même affaire. Tu meurs, recommences tout de suite, that's it. Dans ce temps-là, les jeux, c'était de la répétition. Continuellement. Castlevania 3, écoute, j'ai joué à ça pendant des années avant de passer au travers en mourant, en essayant, puis les tableaux sont tough. Ça, c'est pareil, là. Écoute, il y a du stock, là. Puis il y a tellement de boss qui sont tous différents, des chemins que tu peux prendre là, puis tu sais, tout est vite, puis tu meurs. C'est qu'il faut que tu mémorises. Il y a beaucoup de mémorisation dans les vieux jeux, là. C'est ça, parce qu'il n'y avait rien d'aléatoire dans ce temps-là. Non. Tout était vraiment programmé. Absolument. Précisément. Ils sont tout le temps à la même place. Fait que une dernière chose que je voulais dire à propos de ce jeu-là, il y a une petite affaire secret de cacher dans le niveau 3 que j'ai découvert justement en checkant sur Internet. Tu peux sauter là, sur le mur au lieu de continuer dans la porte. Là, tu arrives en haut, tu as une espèce de dude là, qui est habillé en soute avec un chapeau de forme, là, genre de présentateur de cirque, je sais pas quoi. Okay. Là, il t'invite à passer dans un battle arena. Là, tu peux y aller ou tu peux dire non, je vais pas, là, il te traite de chicken, tu continues le tableau. Puis quand tu y vas, c'est trop drôle, c'est la musique de Castlevania qui part. Ah ouais. Puis là, il y a une espèce de un gars qui arrive avec une bubble head vraiment bizarre. Puis, il fouette. Il y a un chandelier en plein milieu de la place. Il fouette le chandelier. Puis là, il pogne un poisson. Puis là, il essaie de tuer, tu sais, il bounce un peu partout dans l'écran, puis il te lance des poissons, tu sais. Hey, c'est vraiment n'importe c'est quoi. Ben la musique oui. de Castlevania qui joue en arrière de ça, tu sais. Puis il y a trois boss à faire dans cette arena-là. Dans okay. le deuxième, t'as une espèce de squelette qui pousse un chariot avec des bébites dedans qui crachent des affaires. En tout cas, c'est tordu, là. Aïe. Puis là, j'ai réussi à péter lui aussi. Puis après ça, il y en a un troisième. Puis là, écoute, là, c'était too much pour moi. J'ai pas réussi à le passer, le troisième. Donc, je sais pas ce que ça fait, mais il y a un genre de petit clin d'œil à Castlevania qui est caché dans le stage 3. Là. C'est donc, cool. si vous jouez, allez faire votre tour, c'est vraiment drôle. Mais wow. j'ai vu qu'après ça, tu sais, il y a comme une petite fin, là, okay. un peu cucu à ce qui paraît. Le jeu se termine puis tu recommences. Mais au moins, t'es pas rendu loin, ouais. fait que c'est pas grave. Mais c'est un truc le fun. Donc, si vous avez de l'argent, j'ai pas vu qu'il était disponible sur aucune virtual console. Non. Si vous avez un Genesis, vous voulez des bons jeux comme moi, ça va vous prendre ça, absolument. Puis, écoute, à 50-60$, ma copie est pas mal propre, là, je pense que... Ouais, on dirait qu'elle est neuve. Ouais, c'est un bon deal. Donc, je vous recommande ça absolument, amateur de Genesis et gamer de tout genre. Malade. Ben, moi, je vais vous parler de la version renippée de Hardcore. C'est Hardcore Uprising. Ils ont complètement enlevé le contrat. Ben oui, hein, rien que pour fucker le monde. Ouais. J'ai appris ça sur le tard que c'est un contrat, c'est pas. C'est ça, moi aussi, j'étais surpris. Puis, tu sais, jusqu'à ce jour-là, je suis peut-être poche pour ça, mais je savais même pas qu'il existait contrat Hardcore. J'avais complètement passé sous le radar pour moi. Fait que j'ai découvert pour la première fois avec Uprising. C'est un jeu qui est disponible sur XBLA et PSN une fois de plus. Puis, on a opté là, pour un look totalement différent. C'est vraiment c'est du Jap Animation. Là. Mm. C'est vraiment de l'animation traditionnelle, frame par frame. C'est superbe. C'est vraiment très beau. Ben, c'est ça qui est différent, des contrats traditionnels où c'est un bonhomme rouge, un bonhomme bleu. Ouais. Sur le Genesis, t'as quatre bonhommes. Ils sont tous très différents. Puis là-dedans aussi, il y a quatre personnages, je pense, qui sont totalement différents les uns des autres. Totalement. Sauf que dès le départ, on a un choix entre deux personnages. C'est un gars, une fille. Là-dedans, l'histoire, tout simplement, là, je pourrais la compliquer au bout, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est des rebelles, c'est deux rebelles qui vont qui sont contre un empire, tout simplement, un empire qui est épouvantable, qui va essayer de détruire la Terre. Puis bon, on s'en va contre eux autres. Ils essayent de contrôler le peuple, tout simplement. Là. Si vous avez vu le film Equilibrium, là, ben, c'est comme si Equilibrium devenait un run and gun. Okay. C'est un peu le même principe côté histoire. Bref, là-dedans, c'est... quand on commence le jeu, on se retrouve pas pantoute si on a joué à Hardcore, l'original, parce que c'est pas pantoute la même affaire. Je suis en train de me demander même pourquoi ils ont appelé ça Hardcore Uprising, parce que le jeu me fait pas penser à l'original, pas en tout. Mm. Mais c'est pas une mauvaise chose, parce que le jeu est super bon. Puis, les choses qui dérangeaient dans l'original, ils ont arrangé dans celui-là. Premièrement, on a énormément de boutons. Donc, maintenant, on peut tirer en gardant notre fusil dans la même position. On peut tirer aussi en faisant ce qu'on appelle le strafing, qui est-à-dire de bouger de gauche à droite, garder dans la même position. Après ça, on peut avancer puis tourner notre fusil dans n'importe quelle direction tout en bougeant. On peut faire un double saut. Ouais. Ça revient quand même de Brawny dans l'original, c'est cool. C'est ça, sauf que là-dedans, ils ont mis les personnages un petit peu plus égaux ouais. en termes de pouvoir. Puis là-dedans, on a aussi de l'énergie, contrairement à Hardcore. C'est le fun, ça. On a trois cellules d'énergie. Donc, si on se fait taper trois fois, on est mort. On a plusieurs vies, évidemment. Si on a une arme, puis on se fait toucher, ben on perd cette arme-là tout de suite. Puis les armes sont vraiment cool. C'est vraiment... ce qui est le fun, c'est qu'on nous donne des armes très rapidement. On en a en masse. Il y a évidemment les grosses mitrailleuses hyper puissantes. Il y a des lance-grenades, il y a des lance-roquettes, il y a des lasers, il y a des missiles à tête chercheuse. Il y en a qui reviennent des autres contrats, le spray oui. gun, le laser. Sur Hardcore oui. aussi, sur Genesis, le spray gun était là pour un personnage. Mais le spray gun, tu peux pas faire un contrat sans le spray gun. C'est trop hot, là, pareil. Ouais. Puis là-dedans, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il se passe de quoi sans arrêt, puis les ennemis... Les ennemis de base sont vraiment très simples puis ils vont revenir sans arrêt, mais il y a énormément de nouveaux ennemis qui arrivent sans arrêt au niveau des tableaux. Là. Il y a vraiment une multitude d'ennemis. Là. Je ne sais pas combien il y en a, mais j'ai dû en trouver environ une bonne cinquantaine dans les quatre premiers tableaux. Fait que c'est vraiment gros puis c'est vraiment rare dans un jeu téléchargeable. Là. C'est assez difficile de trouver ça. On a évidemment deux endroits pour nos armes. Donc, on peut changer d'arme. Si on, mettons, on a attrapé le spray gun, ben, on peut changer aussi pour opter pour la mitrailleuse. Bref, ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans les contrats depuis plusieurs contrats. Je pense que ça a commencé avec Alien Wars. Alien Wars, hein. Est-ce que le bon vieux, genre, choisit l'arme avec laquelle, que tu, laquelle tu veux mourir pour pouvoir garder l'autre pour le boss? C'est pas mal tout le temps ça. T'sais, on garde la pire. Pis, mais c'est ça. Bref, les contrôles dans Uprising sont, à mon avis, là, les meilleurs contrôles de tous les contrats de tous les temps. C'est, écoute, c'est tellement fiable parce que là, tu contrôles vraiment ton personnage, puis ça va vite dans ce jeu-là. Il se passe bien des affaires, puis tu as besoin d'avoir des contrôles précis, puis là-dedans, on contrôle tout. Si tu fais un saut, puis tu es dans les airs, puis tu veux tasser à gauche un peu pendant que tu sautes, fine, ça marche. Tes doubles sauts fonctionnent à merveille aussi. Tout est précis. Si tu pèses ton bouton, ça arrive exactement au moment où tu pèses dessus. Il n'y a aucune perte de temps avec une animation, quelque chose du genre. Puis aussi, au niveau du tir, pouvoir contrôler son fusil de la façon qu'on veut, pouvoir le tourner à 360, c'est vraiment génial. Des fois, on a un boss à tuer, puis le boss est à gauche, puis disons, il est derrière nous, puis il nous poursuit. Bien, on peut garder notre arme vers la gauche, puis sauter, tirer, faire des mouvements. Okay. Ça, c'est vraiment écœurant. Puis, bref, dans ce jeu-là, une chose qu'il faut dire tout de suite, c'est hyper dur. C'est pareil comme Hardcore, déjà au départ, il était vraiment tough. Puis celui-là, il est vraiment tough. Moi, j'ai commencé avec le mode arcade. Et il y avait deux modes quand j'ai commencé le jeu. Moi, je me suis dit, bon, mode arcade est en haut. Moi, j'ai commencé avec le mode arcade. J'essaye ça, je crève. Je mourrais tout le temps. Je me trouvais vraiment épouvantable. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un mode Rising. Là, je dis, ah, je vais essayer ça, ça a l'air, tu sais. D'habitude, moi, dans un jeu, quand il y a deux, trois modes, j'ai tout le temps mes doutes, tu sais. Ouais, je me dis ouais. tout le temps, bon, là, il y a un autre mode. C'est-tu genre, OK, là, joue, mais tu peux pas tirer. Ou là, joue, tu peux pas sauter ça. En disant que t'as pas le goût de perdre du temps à essayer ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu veux vraiment, là, tu sais, comme moi, s'il y a un mode scénario dans un jeu, je vais jouer au mode scénario. That's it. Je jouerai pas aux autres tout de suite. En tout cas, en premier lieu, je vais pas jouer par la suite, mais bref, là-dedans, le mode Rising, ce qui est cool, c'est que tu peux faire tes tableaux, tu peux mourir, sauf que tu vas obtenir des points pendant que tu joues, puis avec ces points-là, tu vas pouvoir mettre à niveau tes personnages. Fait qu'admettons, tu vas pouvoir dire, bon, ben quand je vais attraper le spray gun, ben il va être au niveau 2, fait qu'il va tirer encore plus de projectiles. Puis des affaires comme ça, comme entre autres, tu peux aussi décider que quand tu vas faire ton dash, quand tu vas foncer dans quelque dash, chose, hein, ça aussi, c'est il y a un dash là-dedans, puis c'est ça, il a été remplacé, le slide, par un c'est dash. Le dash. Ouais. Fait que tu fonces dans le monde, puis tu peux décider d'avoir une augmentation qui va te permettre de foncer dans des balles, puis d'éviter des balles, ou de relancer les balles. Tu peux relancer les balles en donnant un coup de crosse à la balle, hein? C'est hot. C'est vraiment écœurant. Fait que, mais ces updates-là, ils sont permanents en plus, parce que tu les achètes avec tes points. Là. C'est à force de jouer, à la fin, t'as une espèce de personnage de killer. Exact. C'est plus tu t'investis, plus le jeu t'en donne. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça marche. Puis, ce qui est plate, par contre, c'est que au début, vraiment, là, quand vous l'achetez, vous allez faire le premier tableau là, au moins une bonne dizaine de fois. Puis là, vous allez pouvoir vraiment mettre des nouvelles armes à votre bonhomme, puis ça va fonctionner. T'sais. Mais une fois que ça c'est fait, il y a un jeu là, absolument incroyable derrière ça. Là. C'est vraiment c'est la top qualité de ce que Contra peut offrir. Graphiquement, c'est écœurant. Les boss sont super cool, sont vraiment forts. Les tableaux sont longs. C'est vraiment des tableaux là, des tableaux de 15 à 20 minutes, là, facilement. Oui, hein? J'ai joué, pense moi, que c'est terminé. Puis je trouvais ça pas mal long, là, surtout qu'on jouait à deux, puis c'était moi le pas bon, ça fait. J'imagine mon copain. Mais c'est ça, tu sais, tu penses que c'est terminé, puis c'est pas terminé. Puis... Mais l'animation est tellement belle, là. Il y a comme une espèce de bestiole qui court sur une moto, en arrière, à sa moto, il est en arrière, puis c'est beau, là. C'est super beau, puis les boss, plus ça avance, plus les boss, la plupart du temps, c'est des espèces de méga robots, mais sont vraiment cool. C'est pas des boss qui restent à la même place puis qui font pas grand chose. Ça saute, ça s'en va partout dans l'écran, mais pour la première fois, bizarrement, j'ai l'impression que je suis en contrôle. Dans les autres contrats, ce qui me dérangeait, c'est que écoute, j'avais tout le temps l'impression que je me battais un peu contre les contrôles. Je sautais, puis je trouvais qu'il sautait pas au bon moment. Des fois, le boss, il arrivait, puis il fonçait sur moi, puis j'avais l'impression que je pouvais littéralement pas sauter par-dessus, tu sais. Puis je mourais tout de suite, je trouvais ça poche, tu sais. Mais là-dedans, là, t'es en total contrôle, ça fonctionne super bien. En plus de ça, il y a un mode, il y a évidemment un mode multijoueur, il y a un mode en ligne aussi. Ça, c'est vraiment cool parce que justement, tu peux jouer avec quelqu'un d'autre en ligne, puis ça, c'est vraiment le fun. Moi, je l'ai fait une couple de fois, tu rentres tout de suite dans ta game d'un coup si t'es avec personne chez vous. Puis c'est le fun, tu sais, la personne peut embarquer avec son personnage qui est amélioré sans bon sens. Hein, c'est vrai. Fait que ça, c'est cool. Et lui, les points qu'il ramasse, il peut te les donner aussi, ça se peut-tu, ça? Oui, je pense qu'il y a cette option-là, mais je pourrais pas la confirmer à 100%, mais il me semble que oui. Et peux-tu te voler des vies, man, comme dans le temps? Tu joues online avec un inconnu, puis te voles des vies. Il peut te voler des armes, ça écoeure, tabarnouche. Mais ça, c'est justement, ça, c'est ça le fun de contrat. Quand tu joues avec tes chums sur un sofa, tu voles des armes, ça reste tout le temps drôle. Mais bref, vraiment, le Hardcore Uprising, vous avez la plupart du temps pas le choix de télécharger un démo pour déverrouiller le jeu complet. Mais je dirais que celui-là, là, les yeux bandés, je l'achèterais d'une shot sans essayer quoi que ce soit. C'est le meilleur contrat ever, à mon avis. No. Donc, c'est pas rien. J'ai joué à tous les contrats, sauf Hardcore. Donc là, c'est sûr que je parle un peu à travers mon chapeau parce que j'ai pas joué à tous les contrats. Ben, c'est l'ancien. C'est plus vieux, là, quand même. C'est ça, c'est plus vieux. Mais version contemporaine, moi, j'ai joué à Contra 4, toi aussi. Ouais. Toi, tu l'as aimé. Moi, j'ai pas aimé ben, mais faut dire que, bon, c'est tellement ramassé. Ouais, SADS. Mais je me faisais tellement ramasser, là, qu'à un moment donné, je jouais cette année. Mais là, le Hardcore Uprising, il est tellement beau en même temps. Puis, ben, il te récompense, tu boostes ton bonhomme, juste ça, c'est beaucoup. Là. Ça, c'est débile. Puis en plus, les personnages, je veux dire, ils te demandent de. Ce jeu-là, ils te demandent de donner là, pour pouvoir en déverrouiller. Tu peux déverrouiller les autres personnages en jouant parce qu'au départ, tu as juste le gars, la fille, puis la titre. Là. Fait que, tu sais, si tu donnes, il y a tellement de stock à faire. Puis, tu sais, c'est un jeu, je veux dire, je pense présentement, il est 15$. Puis, ça vaut à peine. Mais là, voilà. ça vaut tellement la peine. Puis, il y a vraiment beaucoup de tableaux. J'ai pas le schéma devant moi, mais il me semble qu'il y a à peu près 8 tableaux. Ce qui est quand même gros parce que c'est 8 tableaux qui vont durer à peu près 15 et 20 minutes. Donc, vous en avez pour votre argent. Puis, c'est des tableaux qui sont longs. Puis, en party, dans une soirée avec un chum, là, c'est cœur, hein? C'est vraiment un jeu qui est super cool. Donc, allez acheter ça maintenant. Hardcore Uprising, best Contra ever. Donc, c'est ça qui termine ce 8e épisode de Rétro Nouveau. Ça passe vite, mais c'est bien fun de reprendre le service. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait. Ouais, ça faisait un bout. Puis, pour une couple de semaines encore, ça va être ça. Je vais venir ici le soir, donc les épisodes vont être plus longs. Mais je t'ai pas annoncé, Bruno, qu'on va changer de local à job. Donc, je ne serai plus à deux pas de ma maison maintenant. Je vais être un peu plus loin. Oh. Et puis, peut-être que ça va être plus touché pour moi de me rendre chez nous sur l'heure du midi. Mais en tout cas, je vais voir avec ma blonde là, qui a le char, quelle journée. Ou peut-être qu'on peut faire ça ici le soir dorénavant, je ne sais pas. Ben, ça peut bien se faire, ça, on fait ça. Fait qu'on va voir à ça, mais bref, c'est un rétro nouveau, c'est vraiment. C'est un show qui se case là, dans les horaires de deux pères de famille qui sont bien actifs. Donc, on essaie de le garder le plus dynamique possible. Puis écoute, ça change. Le monde change. Le monde change. Le monde change. Ah non, mais c'est le fun. Puis on le continue, puis ça va super bien. Fait que c'est sûr qu'on trouve un moyen sans arrêt de le faire, puis ça va marcher. Regarde, ça fait... Mon gars est arrivé mardi passé. Ouais, j'avoue. Fait que, tu sais... À moins que le feu pogne chez vous en tout cas, je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher. Ça prendrait quelque chose de gros pour nous empêcher de faire ça. Ben franchement, on aime tellement ça, faire ça, qu'on n'arrêtera pas ça, certain. Fait que, bref, moi, regarde, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode-là. Ça le termine tellement bien. T'as-tu d'autres choses à ajouter? Non, c'est pas mal complet. C'est pas mal complet. Parfait. Ben, salut, merci. Salut tout le monde. Retro Nouveau.